Bonjour. Alors, je n'ai pu résister au plaisir d'utiliser pour ma page de titre une page du manuscrit des Plaisirs et les Jours, où Proust a écrit en grand et en bleu Versailles. Mais en réalité, je ne vais aborder Versailles que dans les manuscrits d'À la recherche du temps perdu. On sait bien que dans Les Plaisirs et les Jours et dans Jean Santeuil, Versailles est très présente, d'autant plus que le biographique domine encore dans ces textes. Cependant, dans les manuscrits de la recherche, on peut aussi trouver un large réseau thématique autour de Versailles et qui est resté finalement peu connu. Je n'aborderai que quelques exemples qui me semblent les plus révélateurs de la présence profonde, diffuse et dissimulée de Versailles dans les manuscrits de la recherche. Je m'attacherai à étudier des passages dans les brouillons qui ont disparu du texte définitif et ceux où la présence de Versailles est cryptée. Dans un article qui vient de paraître dans le bulletin d'information proustienne, la revue de l'équipe Proust de l'ITEM où je travaille, Francine Goujon, spécialiste des manuscrits de Proust, explique comment Proust code son texte, partant d'un épisode réel ou d'une personne réelle, pour créer un thème, Proust insère des citations et des allusions à des textes, puis il estompe ou exemplifie ou complexifie ses indices, rendant ce processus à peu près indiscernable dans le texte définitif. Le thème en question est alors crypté. Et elle conclut : cet ensemble de procédés fait partie intégrante du mode d'écriture proustien et intéresse la Genèse. Voyons d'abord une rapide occurrence dans Un amour de Swann à propos des goûts d'Odette. Je ne vous en lis qu'une partie. Il ne pensait pas que, Swann ne pensait pas que l'admiration qu'elle, c'est-à-dire Odette, professait pour Monte Carlo ou pour le Righi, fut plus déraisonnable que le goût qu'il avait, lui, pour la Hollande, qu'elle se figurait laide, et pour Versailles, qu'elle trouvait triste. Aussi se privait-il d'y aller. Or, le brouillon sur la phrase de Versailles est plus élaboré. C'est moi qui souligne en rouge. On voit que Proust avait d'abord écrit « Versailles, qu'elle trouvait triste », puis il a rajouté « laid », et dans un dernier mouvement, il a rajouté aussi « ennuyeux ». Voici ma transcription. Au reste, il ne croyait plus assez à l'absolu de rien pour penser que le goût qu'elle avait pris des vers du Rhin pour la banlieue parisienne et pour la Suisse fût au fond plus absurde que l'amour de la Hollande ou de Versailles qu'elle trouvait laid, ennuyeux et triste. Lui faisait aussitôt trouver du charme à un état d'esprit où on trouve Versailles laid, ennuyeux et triste et une grande douceur à ne pas y aller, à ne pas vouloir dire que c'est beau, etc. Dans ce brouillon, Proust tourne autour de sa phrase, mais il ne gardera finalement que deux adjectifs qu'il distribuera entre la Hollande, laide, et Versailles, triste. Le narrateur se moque ici des goûts d'Odette. Il est probable que l'écrivain aussi les trouvait ridicules. En ajoutant ennuyeux, Proust pensait au vers de Musset qui a été cité ce matin sur l'ennuyeux parc de Versailles, qu'il cite, cela a aussi été dit ce matin, dans un article de 1906, quand il compare la prédilection de Venise par les artistes et celle plus récente de Versailles, et où il donne une liste d'écrivains et de peintres au rôle déterminant pour la réévaluation de Versailles, liste dans laquelle il insère le nom de Pierre de Nauillac, dont je reparlerai. On se souvient que Musset était le poète favori du jeune Proust. Se moque-t-il ainsi de lui-même en attribuant cette expression à Odette ? Mais il abandonnera finalement cette épithète ennuyeux, probablement parce qu'il était trop à la mode à son époque. En effet, il était alors courant de considérer Versailles comme ennuyeux. Ainsi, dans un compte-rendu du salon de 1897, à propos des dessins de Versailles en automne par Paul César Helleu, un critique rappelle « Il est convenu de trouver ennuyeux Versailles, qui fut le chef-d'œuvre d'un siècle et demi d'efforts du plus pur génie français ». Rappelons une anecdote biographique qui a d'ailleurs été dite ce matin. C'est ce même Helleu qui offrit à Proust une œuvre que l'écrivain appela une adorable étude de Versailles. On ne peut échapper au biographique quand il s'agit de Versailles et Proust. On sait que celui-ci avait plusieurs membres de sa famille et surtout plusieurs amis qui y résidèrent ou y séjournèrent et dont certains ont été présentés aujourd'hui. Mais n'oublions pas Ernest Astern. qui fut la protectrice, comme son amie Madeleine Lemaire, des amours entre Proust et Anne. Elle envoya son portrait photographique, que vous voyez ici, que j'ai publié dans le bulletin d'information proustienne en 2015, avec cette dédicace amusante à Proustinetto, réveillon Versailles, 1894. Cette photographie serait ainsi un souvenir de réveillon du jour de l'an de 1894 que Marcel aurait passé à Versailles. La correspondance de Proust révèle qu'il alla à Versailles de nombreuses fois et il y séjourna longuement. Justement, une lettre de Proust, qui a aussi été mentionnée ce matin par Luc Fraisse, nous apprend qu'en novembre 1893, juste après sa licence de droit, quand ses parents le pressent de se décider sur une carrière, il envisage de faire des études d'art, l'école du Louvre ou l'école de Rome, et de devenir attaché à un musée, dit-il, pendant ses études. Il écrit à Charles Grandjean, qui est archiviste, ami de Pierre de Noyac, qu'il avait rencontré chez la princesse Mathilde, pour lui demander conseil, et, emporté par son imagination, il s'exclame « Je me vois déjà directeur du musée de Versailles ». Puis, plus sérieusement peut-être, voulant se proposer comme bénévole dans des musées, il prévoit de contacter plusieurs conservateurs de musées, dont celui du château de Versailles, qu'il ne nomme pas, mais qui ne pouvait être à cette date que Pierre de Nolhac. On rêve de retrouver la lettre que Proust a peut-être écrite à Noyac ou Nolhac à ce sujet. Philippe Kolb, le grand éditeur de la correspondance de Proust, n'a retrouvé aucune lettre de Proust à Noyac. C'est Michel Schneider qui, le premier, en a publié une en 2014. La bibliothèque municipale de Versailles, nous l'avons vu, en conserve deux autres. Dans la lettre publiée par Michel Schneider, nous voyons que Proust, en octobre 1906, est à l'hôtel des réservoirs de Versailles, mais trop malade pour sortir, comme il l'écrit plusieurs fois à ce moment à d'autres correspondants. Mais surtout, cette lettre suggère qu'il n'a jamais profité de sa relation avec Pierre de Noyac, qu'on imagine qu'il avait, pour, comme nombre de ses connaissances, visiter le château de façon privilégiée. Cette pratique de l'élite parisienne est, entre autres, ce que révèlent les nombreuses lettres reçues par Noyac conservées à la bibliothèque municipale, celles que j'ai pu voir, et que les souvenirs de Noyac, publiés sous le titre « La résurrection de Versailles », confirment aussi. Alors, je vais aborder maintenant Versailles et la mémoire involontaire. Dans un article de 2005, qui est vraiment le premier article consacré à Proust et Versailles, Luc Fraisse met en évidence l'importance jusqu'ici négligée de Versailles dans la vie et l'imaginaire de Proust. Il postule même que Versailles, son château et son parc nourrissent de façon souterraine une philosophie de la création. Il démontre en particulier comment Versailles fait partie d'un imaginaire qui va bien au-delà de la rêverie mélancolique fin de siècle à la mode à l'époque de Proust, pour qui l'évocation de Versailles tisse un réseau complexe qui va de l'écriture des plaisirs et les jours jusqu'à toute celle de la recherche, en particulier autour des expériences de mémoire involontaire. Il me semble que ce rôle de Versailles est confirmé dans ce brouillon intitulé « Souvenirs ». Alors, vous inquiétez pas, je vous donne une transcription. Souvenir. L'essence, l'intelligence ne perçoivent pas de différences essentielles. Toutes les villes que nous voyons, tous les gens que nous connaissons, tout l'univers sensible et intelligible est découpé dans une même matière qui nous semble faite en la même chose. Nous les percevons en choses de même nature et nous raisonnons. Tandis que si nous nous souvenons de Versailles à 7 heures du soir, c'est pourvu d'une essence irréductible au reste. On sent ici une véritable expérience de l'écrivain. Mais le plus important, c'est l'expression « essence irréductible ». Dans la recherche, cela renvoie à un moment hors du temps. On ne retrouve cette expression « essence irréductible » qu'une fois dans la recherche. Quand le héros désire emmener Madame de Stermaria au bois de Boulogne, il se dit « Certes, quand on est jeune, à l'âge que j'avais dans mes promenades du côté de mes églises, notre désir, notre croyance, confère aux vêtements d'une femme une particularité individuelle, une irréductible essence. » Or Proust, dans le célèbre passage sur les expériences de mémoire involontaire dans le temps retrouvé, donne cette définition. L'essence des choses est en dehors du temps. Et selon lui, le moi profond ne se nourrit que de l'essence des choses. Le héros se donne alors pour projet la contemplation de l'essence des choses. Et explique-t-il dans une phrase devenue célèbre, que je résume, si cette essence est en partie subjective et incommunicable, pourtant l'écrivain pourra dégager l'essence de deux choses en les réunissant l'une et l'autre pour les soustraire aux contingences du temps, dans une métaphore, etc. C'est aussi peut-être ce souvenir d'un Versailles à 7 heures du soir que, dans une note, Proust se donne comme consigne d'insérer dans son roman. Ne pas oublier ailleurs, ne pas oublier, c'est très souvent le début de ce que nous appelons une note de régie. Ne pas oublier ailleurs, descente en pente du bois de Versailles. Ceci nous amène directement à un autre sujet, Versailles, un autre thème, Versailles et le bois de Boulogne. Les brouillons montrent qu'il y a un lien étroit dans son imaginaire entre le bois de Boulogne et Versailles. Ce que Luc Fraisse a déjà souligné aussi, en rappelant que la promenade du héros au bois de Boulogne à la fin du côté de chez Swann est un trajet fait pour aller à Versailles. C'est quand le héros, en 1913, des années après la promenade de Madame Swann décrite quelques pages avant, repasse par les mêmes lieux pour aller, selon le texte définitif, au Trianon. Le trajet est ainsi décrit dans la dactylographie. Cette complexité du bois de Boulogne, qui en fait un lieu factice, et dans le sens zoologique ou mythologique du mot, un jardin, je l'ai retrouvé cette année, comme je le traversais pour aller à Versailles, devenu Trianon. Ce texte reprend quelques termes de celui de l'épisode, justement, de la promenade du jeune héros pour aller voir Odette au bois. Je dirigeais Françoise du côté du bois de Boulogne. Il était pour moi comme ces jardins zoologiques où l'on voit rassembler des flores diverses et des paysages opposés, où, après une colline, on trouve une grotte, des rochers, une rivière, le bois, complexe aussi, réunissant des petits mondes divers et clos, faisant succéder quelques fermes plantées d'arbres rouges, de chênes d'Amérique, comme une exploitation agricole dans la Virginie. Ici, la référence à Versailles semble absente. Alors, je pense qu'elle est en réalité présente, mais de façon cachée, car j'ai trouvé là un souvenir de lecture qui est une allusion voilée au célèbre jardin exotique de Marie-Antoinette près du Petit Trianon à Versailles. On trouve dans un ouvrage de 1823, une sorte de guide de Versailles, une liste de plantes du jardin de Marie-Antoinette qui se rapproche des noms notés par Proust. Le chêne rouge d'Amérique, le chêne ou lieuse de Virginie, le hêtre pourpre d'Amérique, l'aune découpée à feuilles de chêne de Virginie et le mûrier rouge de Virginie. Mais Proust n'a peut-être pas lu cet ouvrage-là. Il pense plutôt, ou il se souvient, de l'ouvrage des Goncourt, leur histoire de Marie-Antoinette, où il se sert justement de ce guide qu'il nomme en note pour décrire le jardin anglais qu'ils appellent la création de la reine. En particulier, il donne une petite liste où figure le chêne rouge d'Amérique et lieuse de Virginie. Dans les manuscrits, le lien de ce texte avec Versailles est plus patent, comme le montre ce brouillon du cahier 18, où il écrit d'abord le parc du Trianon, qui devient les jardins du Trianon, et où il y a une ferme plantée d'arbres rouges, de chênes d'Amérique, qui est comme une exploitation de la Virginie. Dans un autre manuscrit, un carnet de notes appelé l'agenda 1906, resté inédit jusqu'à notre édition génétique et numérique en libre accès en 2015, on retrouve les mêmes noms dans cette liste. Où Proust se demande si le chêne d'Amérique est rouge. Il semble donc ne pas avoir vu ces arbres, ou alors il ne s'en souvient pas, puisqu'il écrit en 1913 à Lucien Daudet pour lui demander une description. Savez-vous comment est le chêne d'Amérique? En tout cas, dans ce folio 15 recto, comme par hasard, ce chêne d'Amérique et la plantation de Virginie encadrent des références claires à Versailles. Dans une liste antérieure à celle de l'agenda 1906, dans le carnet 2, ils se suivent et sont donc étroitement associés, comme vous pouvez le voir ici. Chêne d'Amérique, plantation Virginie. Il me semble donc que derrière le bois de Boulogne, il y a toujours Versailles, que ce soit dans la promenade d'Odette ou du héros, ou avec Albertine, ou quand il pense à Albertine, ou à Madame de Stermarier, la référence à Versailles est profonde, mais cryptée. Ainsi, Versailles n'est pas seulement associé à la mémoire involontaire, Versailles, c'est une source multiple pour Proust. Ce brouillon plus complexe ouvre le champ à tout un autre réseau d'associations d'images et de thèmes. Il s'agit d'un brouillon très retravaillé que Proust se donne comme consigne d'ajouter à l'épisode où le héros retourne voir la Berma dans Phèdre quand il voit la duchesse de Guermantes dans la loge de la princesse de Guermantes. Cet ajout sera finalement abandonné et ne laissera que peu de traces dans le texte final et dans un tout autre contexte. Voici la suite et voici la transcription dont je vous lis une partie. Ajoutez ce petit morceau. La princesse de Guermantes, née archiduchesse Éléonore de Bavière d'Autriche, avait pour moi un prestige particulier. Dans son hôtel du XVIIIe siècle, que mon père admirait tous les jours en passant et qu'il appelait un véritable palais de contes de fées, elle vivait un peu comme une fée, isolée dans le culte et les souvenirs de sa grande tante, Marie-Antoinette, à qui elle cherchait à ressembler par ses toilettes. Et là, toute une partie biffée, à Versailles, elle avait meublé, entassé, dans une maison qui lui venait de Madame Élisabeth, des meubles de ce temps capables de rendre jaloux le conservateur du Trianon. Je l'avais vue une fois passer en voiture qu'elle allait à Versailles. Et entre les lignes, cet ajout, on disait qu'elle n'allait jamais dans le monde. Elle allait à Versailles où elle avait entassé des souffres pour souvenirs dans une maison qui lui venait de Madame Élisabeth, où il y avait autant de meubles, de tapisseries, de tableaux inestimables qu'à Trianon. Je ne l'avais jamais imaginé que conversant avec Marie-Antoinette, avec les arbres du Trianon derrière elle, jusqu'au jour où je l'avais aperçue, qui se rendait précisément à Versailles, où elle avait hérité d'une maison ayant appartenu à Madame Élisabeth, et qu'elle avait peuplé de tableaux et de tapisseries inestimables à rendre jaloux le conservateur du château. Quelques pages plus loin, Proust reprend ce passage, mais abandonne l'allusion au conservateur du château de Versailles. Souvent, mon père m'avait dit avoir admiré en passant son hôtel, qui avait l'air d'un vrai palais de contes de fées. Et je savais que la princesse y vivait comme une fée. Entourée de souvenirs de Marie-Antoinette, sa grande tante, à qui elle ressemblait un peu, et dont elle imitait souvent les toilettes. On me l'avait montré, se rendant à Versailles, où elle vivait le plus souvent, dans une maison qui lui venait de Madame Élisabeth. À côté d'elle, je n'imaginais jamais que la figure de la reine et de ses belles-sœurs, etc. Cet épisode figure aussi dans d'autres brouillons, comme celui-ci. Mais la référence à la maison de Madame Élisabeth a disparu, bien que celle à Versailles demeure encore importante. Première phrase biffée, et puis un début où il manque le début, père, dans le trajet habituel de son bureau à la maison, passé devant l'hôtel de Bavière, nous disait « Je suis encore passée devant l'hôtel de Bavière, c'est princier. Quelle merveilleuse statue on aperçoit de chaque côté du perron. C'est un vrai palais de contes de fées. » Mais étant encore à l'âge où l'imagination met derrière les choses analogues une individualité distincte, je pensais qu'il devait y avoir dans ce palais de contes de fées quelque chose de différent des demeures que je connaissais et qui m'empêchait d'y pénétrer. Ainsi de même, cet inaccessible hôtel de Bavière, à force d'entendre dire que Madame de Guermantes avait en elle beaucoup de Marie-Antoinette, qu'elle vivait avec Madame Élisabeth, etc. Et aussi cet ajout, je me représentais le palais d'une fée défendu par des génies, et comme l'hôtel de Bavière dont parle Saint-Simon, où je voyais autour du prince et de la princesse de Guermantes actuelle, non pas des gens du monde d'aujourd'hui, mais tous les personnages de Saint-Simon, Madame de Chevreuse, Madame de La Fayette, et à côté d'elle, Marie-Antoinette, la princesse de Lamballe et Madame Élisabeth. Alors ici, voyons plusieurs éléments les plus importants. L'hôtel parisien de la princesse, Proust insiste dans tous ses brouillons sur le fait que c'est le père du héros qui passe tous les jours devant l'hôtel de la princesse et le décrit comme un palais de contes de fées. C'est donc le père qui nourrit l'imaginaire du jeune héros autour du nom de Guermantes. Mais finalement, Proust gommera dans son roman ce rôle du père. Quelques folios plus loin de ce même cahier 43, cet hôtel parisien est encore associé à Versailles. L'hôtel de Guermantes ou de Bavière, ce palais de contes de fées, devient l'hôtel princier aux fantômes de l'ancien régime et aux fées. Et au verso de ce même feuillet, il y a cette phrase importante, quand le héros veut voir sur le visage de la princesse de Guermantes tout ce que ce nom comporte de rêverie pour lui depuis son enfance à Combray, il dit « Tout ce qu'il y avait de rare et d'ancien régime, de Saint-Simon et de Nattier dans ce nom de princesse de Guermantes. » Alors on sait que le château de Versailles incarne l'ancien régime, le nom de Saint-Simon est attaché à Versailles, et que Pierre de Nolhac, le conservateur du château de Versailles, découvrit un tableau de Nattier et fut instrumental dans la réévaluation de ce peintre sur lequel il publia un ouvrage qui fit date. Le lien de Guermantes avec Versailles est renforcé par un autre brouillon, abandonné aussi, où la duchesse de Guermantes est l'arrière-petite-nièce de la princesse de Lamballe. Donc dans l'imaginaire du héros, le nom de Guermantes, qui contient déjà tant de rêveries du héros, est aussi profondément indissociable de Versailles. Autre élément ici dans ces brouillons, la maison de Madame Élisabeth, dont la princesse de Guermantes a hérité, que Proust reprend dans plusieurs brouillons, disparaît finalement du texte définitif. mais il en reste une allusion dans ce dialogue avec Charlus. Charlus raconta qu'une demeure qui avait appartenu à sa famille, où Marie-Antoinette avait couché, dont le parc était de Lenôtre, appartenait maintenant au riche financier Israël qu'il avait acheté, etc., etc. On voit qu'il n'est plus question de la maison de la princesse de Guermantes, mais simplement d'une demeure de la famille de Charlus, et que celle-ci n'est plus celle de Madame Élisabeth. Cependant, cette maison a toutes les caractéristiques d'une maison de Versailles. Elle a le style architectural du Trianon, Marie-Antoinette y a couché, le jardin est le nôtre, et enfin, même le fait qu'un banquier juif a acheté cette maison nous ramène, de façon cryptée, à la maison versaillaise de Madame Élisabeth. Car c'est justement un banquier juif, Salomon Stern, qui avait acheté la maison et le parc de Madame Élisabeth en 1879 ou 78, et avait réuni les parcelles qui avaient d'abord divisé l'ancien domaine, lui redonnant ainsi son caractère originel. Proust fait donc ici allusion à un fait véritable. D'ailleurs, dans ce même passage, voyez, après le nôtre, etc., il est aussi coupable que de lacérer un tableau du Poussin. Proust fait ici référence à un fait véritable que n'a pas identifié l'édition Pléiade, qui est qu'en juillet 1907, un homme est entré au Louvre et a soudain lacéré le tableau Le Déluge du Poussin. Mais revenons à la phrase sur les riches financiers juifs Israël, qui ont acheté la maison de la famille de Charlus. Dans un brouillon, Proust avait d'abord écrit « Les riches financiers Gelto », mais il abandonne finalement ce nom pour choisir un nom juif, encore plus clairement juif peut-être, que celui du véritable acquéreur du domaine de Madame Élisabeth. Quant à Madame Élisabeth, il n'y a plus qu'une seule occurrence de son nom dans le texte définitif, mais où elle reste associée à la famille des Guermantes, puisque Charlus garde des chapeaux qui lui ont appartenu, ainsi que ceux de Marie-Antoinette. Cela rappelle les brouillons que nous avons vus, où la princesse imite les toilettes de Marie-Antoinette. Alors l'hôtel de Guermantes est le sésame de Charlus. L'hôtel de Guermantes est en quelque sorte défendu par Charlus. Nous avons vu dans les brouillons précédents comment le héros pense que c'est absolument impossible d'accéder à ce palais de contes de fées. Donc Charlus dit au héros, le sésame de l'hôtel Guermantes et de tous ceux qui valent la peine que la porte s'ouvre devant vous, c'est moi qui le détiens. Plus tard, quand le héros questionne Charlus sur la princesse de Guermantes, le baron répète, sans moi et mon sésame, la demeure de celle-ci est inaccessible. Cette insistance sur le mot sésame n'est pas sans évoquer plusieurs thèmes. D'abord, celui de la mémoire involontaire, quand un simple mot ou une phrase prononcée déclenche chez le héros la résurrection du passé, que ce soit dans la joie ou dans la peine. Ainsi, quelques exemples à propos d'Albertine. Les mots « cette amie, c'est Mademoiselle Vinteuil » avaient été le sésame que j'eusse été incapable de trouver moi-même, etc. Le mot de passe, le magique sésame en trouvant la porte d'un passé dont on ne tenait plus compte. Et enfin, et ces mots qui ne m'étaient jamais revenus à l'esprit firent jouer comme un sésame les gonds du cachot. Mais aussi, bien sûr, le mot sésame rappelle la traduction que fit Proust du Sésame et l'Hélice de Ruskin. Or, Proust désacralise son admiration pour Ruskin dans l'épisode de la maison de passe de Jupien, quand ce tenancier lui dit au héros ceci. « Vous parlez de bien des contes de mille et une nuits, me dit-il, mais j'en connais un qui n'est pas sans rapport avec le titre d'un livre que je crois avoir aperçu chez le baron. » Il faisait allusion à une traduction de Sésame et l'Hélice de Ruskin que j'avais envoyée à M. de Charlus. « Si jamais vous étiez curieux un soir de voir, je ne dis pas 40, mais une dizaine de voleurs, vous n'avez qu'à venir ici. Pour savoir si je suis là, vous n'avez qu'à regarder la fenêtre de là-haut. Je laisse une petite fente ouverte et éclairée. Cela veut dire que je suis venu, qu'on peut entrer. C'est mon sésame à moi. Je dis seulement sésame, car pour les lys, si c'est eux que vous voulez, je vous conseille d'aller les chercher ailleurs. » Ainsi, la princesse de Guermantes et son palais de contes de fées, sa maison de Versailles, est associée au sésame de la mémoire involontaire, mais aussi du secret de l'homosexualité et de la prostitution homosexuelle. Remarquons d'ailleurs qu'à Versailles, rue Maurepa, qui vient d'être citée tout à l'heure à propos de Montesquieu, près du château, il y avait une maison de rendez-vous pour les homosexuels, attirée par les militaires de la garnison de Versailles. Cette maison fut connue du grand public lors de l'assassinat de sa tenancière en 1909, dont Proust a probablement entendu parler. Je terminerai sur Pierre de Nolhac dans les manuscrits de Proust. On a vu dans le brouillon du cahier 40 tout à l'heure que la maison à Versailles de la princesse de Guermantes, qui lui venait de Madame Élisabeth, avait de quoi, écrit Proust, rendre jaloux le conservateur du château. Proust ne le nomme pas, mais celui-ci ne peut être que Pierre de Nolhac, qui en fut conservateur de 1887 à 1920. Par contre, son nom est clairement cité dans un cahier de maisonnette du côté de Guermantes, dans un passage non retenu, un ajout à un discours de Charlus que l'on voit en marge gauche ici, qui se continue plus bas et se termine sur le début d'une paperole. Voici ma transcription. Il, c'est-à-dire Charlus, me parle de l'hôtel de la princesse de Guermantes comme de quelque chose de plus beau que Versailles. « Vous savez, me dit-il, que depuis qu'il y a un nouveau conservateur à Versailles, M. de Nolhac, on a découvert tous les jours, dans ce palais enchanté, d'abord des meubles, des pendules, des tableaux, qui toute la nuit ne cessent de faire d'éprouvants chassés-croisés pour aller retrouver leurs voisins, leurs maîtres, leurs amis du XVIIe siècle. Mais depuis quelque temps, cela ne suffit plus. On retrouve un jour une salle entière avec de merveilleux panneaux, un escalier peint par le bras, des châteaux inconnus dans le château. Eh bien, chez ma cousine, c'est la même chose. » Notons que ce palais enchanté rappelle fortement le palais de conte de fées de la princesse de Guermantes, que le père du héros admirait dans les brouillons du cahier 40. Mais surtout, avec cet ajout qu'il abandonnera finalement, c'est pour ça que dans la recherche, on ne le trouve pas, Proust résume avec humour la révolution que Pierre de Nolhac opéra au château de Versailles, ce conservateur qui fut appelé « l'homme qui chambarde Versailles ». En grand érudit, s'appuyant sur ses découvertes dans les registres de contes aux archives nationales et dans les pièces du château où étaient entreposés pêle-mêle des meubles, des objets, des peintures et des sculptures, Nolhac chercha à reconstituer en quelque sorte la génétique de la topographie du château. Comme on l'a vu, on retrouve de même des chassés-croisés de Versailles dans les manuscrits de Proust. Et j'espère avoir révélé avec ces manuscrits, tout comme les châteaux inconnus dans le château, les romans inconnus dans le roman de Proust, et vous avoir bien sûr tous convertis à la critique génétique. J'aimerais conclure non pas par une image d'un manuscrit de Proust, mais avec celle-ci, qui est l'épée d'académicien de Nolhac que lui a offert la Société des Amis de Versailles, sur laquelle on voit gravé le château de Versailles et qui a figuré dans une vente en 2014. Je vous remercie.